La démesure de l'orthopède se trouble aux visions dégradantes, se rétablit au sens bipède quand la mi-chauffe pète un emblème. Son cœur dit trompette se démêle, s'arrache, se chante et se démène dans un miasme mou et cellulaire. Avoue ses peines, mâche ses glaires. Aux ambitions devenues laides, s'anime, se fâche l'organe primaire. L'ébullition lâche et grégaire, explose et flash l'ordre sectaire. La vie de l'homme sera sauvée, ses sarcasmes seront adulés. Tous ses caprices seront exaucés, faute n'avoir pu être réparés. Cette fesse, ce sera plus galant.